bien, mes pères. Le temps sérieux dans les analyses. Des gens mères. Ah. Préparer mon séminaire. Eh bien, ça serait tant mieux. Ça serait tant mieux, et ça aurait sûrement les meilleurs résultats. Il faudrait pour ça que, dans l'analyse, on est comme je l'ai, comme je l'ai aimé. C'est du sentimental dont je parlais l'autre jour. Le sentiment d'un risque absolu. Voilà, l'autre jour, je vous ai dit que le nœud à trois. Le nœud à trois, je dessine comme ça. Et donc vous voyez une sorcière, les nœuds borroméens, en rejoignant les cordes en ces trois points que je viens de marquer. Je vous ai dit que le nœud à trois, j'avais fait la trouvaille qu'il se nouait entre à trois borroméennement. Je vous ai dit aussi en quoi, si l'on peut dire, c'était tout à fait justifiable par une explication. Je vous ai dit que je m'étais efforcé pendant 2 mois de faire exister, pour ce nœud le plus simple, un nœud borroméen à 4. Je vous ai dit également que le fait que je n'y étais pas arrivé à le faire exister ne prouvait rien, sinon ma maladresse. Je crois, je suis sûr, je m'en souviens, je crois vous avoir dit que je croyais qu'il devait exister. J'ai eu le soir même la bonne surprise de voir surgir, il était tard, je dirais même que j'étais sorti avec un peu de retard, mes devoirs, j'ai donc vu surgir sur le pas de ma porte le nommé Mercier qui venait m'apporter, fruit de sa collaboration avec souris. Souris étonnée, souvenez-vous de ces noms, qui venait m'apporter la preuve que le nœud borroméen à 4, de 4 nœud à trois existe bien, ce qui justifie assurément mon obstination, mais ce qui n'en rend pas moins déplorable mon incapacité. Je n'ai néanmoins pas accueilli la nouvelle que ce problème était résolu avec des sentiments mélangés de regret de mon impuissance avec celui du succès obtenu. Mes sentiments ne l'étaient pas, ils étaient purement et simplement d'enthousiasme et je crois leur en avoir montré quelque chose quand je les ai vus quelques soirs après, et soir ou d'ailleurs, ils n'ont pas pu me rendre compte comment l'avait trouvé de fait, et j'espère n'avoir pas fait d'erreur en transcrivant, car ce n'est qu'une transcription. En transcrivant, comme je le fais, papier central, le fruit de leur trouvaille. Je l'ai reproduit à peu de choses près. Je vais dire que c'est le cas de le dire textuellement. Ce qu'ils ont élaboré par le fait que le trajet mis à plat est à peine différent. Et si ce trajet mis à plat est tel que je vous le présente, c'est pour que vous sentiez peut-être un peu mieux que dans la figure qui m'a faite, que vous sentiez peut-être un peu mieux comment c'est fait. Je pense que à l'aspect de cette figure, faire chacun de voir que, à supposer par exemple, que le nœud à trois, noir, le nœud à trois noir, étant élidé, il paraît bien clair que les trois autres nœuds à trois sourit étonné, je vous l'ai dit. n'ont pas fait confidence sur la façon dont ils l'ont obtenu. Je pense d'ailleurs qu'il n'y en a pas qu'une, qu'il n'y a pas que celle-là. Peut-être vous montrerai-je la prochaine fois comment encore on peut l'obtenir. Je voudrais quand même commémorer ce menu événement, événement d'ailleurs que je considère comme pas menu, et je vais vous dire pourquoi ensuite. Autrement dit, pourquoi je cherchais. Un peu plus commémorer notre rencontre. Je crois que le support de cette recherche est non pas ce que Sarah Kaufman, dans un article remarquable où elle a contribué, un article remarquable qu'elle appelle Vautour Rouge, ce qui n'est autre qu'une référence aux élixirs du diable célébrés par Freud. Référence qu'elle reprend après l'avoir déjà une fois mentionnée, dans ses quatre romans analytiques, livre entier d'elle, ceci n'empêchant pas que je vous recommande la lecture de cette mimesis qui me paraît, avec ses cinq autres collaborateurs, réaliser quelque chose de remarquable. Je dois vous dire la vérité, je n'ai lu que l'article du premier et du troisième et du cinquième, lorsque j'avais, en raison de la préparation de ce séminaire, d'autres chats à fouetter. Je crois néanmoins que Mimesis vaut tout à fait la peine d'être lu. Premier article qui concerne Wittgenstein et, disons, le bruit qu'a fait son enseignement est tout à fait remarquable. Celui-là, je l'ai lu tout en bout. Néanmoins, je dois dire que cette géométrie qui est celle des nœuds dont je vous ai dit et qu'il manifeste même une géométrie tout à fait spécifique, originale et quelque chose qui exorcise cette inquiétante étrangeté. Il y a là quelque chose de spécifique. L'inquiétante étrangeté relève de l'imaginaire, incontestablement. Mais qu'il y ait quelque chose permette de l'exorciser est assurément soi-même étrange. Pour spécifier où je mets par l'âme, je veux dire que pour autant l'imaginaire se déploie selon le mode de cercle, qui peut également se noter d'un dessin, pour autant que la mise à plat en reste énigmatique. C'est pour autant joint à l'imaginaire corps quelque chose comme une inhibition spécifique qui se caractériserait spécialement de l'inquiétante étrangeté que, provisoirement tout au moins, me permettrait de noter ce qu'il en est quant à sa place de la dite étrangeté. La résistance que l'imagination éprouve à la cogitation de ce qu'il en est de cette nouvelle géométrie est quelque chose frappe pour l'avoir éprouvé. Que souris étonné ait été, j'ose le dire, quoique après tout, je n'en ai pas de le témoignage, ait été spécialement captivé, me semble-t-il, parce que dans mon enseignement a été conduit à explorer sous le coup, sous le fait de ce que m'imposait la conjonction de l'imaginaire, du symbolique et du réel, qu'ils aient été attrapés spécialement par, il faut bien l'appeler, cette élucubration qui est mienne, c'est quelque chose qui n'est certainement pas de pur hasard. Disons que pour ça, ils sont doués. L'étrange, c'est là-dessus que je me permets de trahir ce qu'ils ont pu faire de mensonge, me semble-t-il, est ceci. Que, et cela m'a saisi, étant donné ce que vous savez, que je profère, ce qu'ils m'ont dit, qu'ils y avançaient en parlant entre eux. Je ne leur en ai pas fait tout de suite la remarque, parce qu'à la vérité, confidence me semblait très précieuse. Mais il est certain qu'on n'a pas l'habitude de penser à Dieu. Le fait que ce soit en parlant entre eux qu'ils arrivent à des résultats qui ne sont pas remarquables seulement par cette réussite. Il y a longtemps que ce qu'il compose sur le nœud borroméen me paraît plus qu'intéressant. Me paraît un travail. Mais cette trouvaille n'en est certainement pas le couronnement. Ils en feront d'autres. Je n'ajouterai pas ce que tu me dis. Nommément sourire. Sur le mode dont il pense l'enseignement, c'est une affaire où je pense qu'à suivre mon exemple, celui que j'ai qualifié tout à l'heure, Il s'en acquittera certainement aussi bien que je puis le faire, c'est-à-dire la même façon scabreuse, mais que ceci puisse être compris. Telle trouvaille, je ne sais pas d'ailleurs si spécialement cette trouvaille a été conquise dans le dialogue. Que le dialogue s'avère fécond, spécialement dans ce domaine, c'est tout à fait. Puis dire ce que confirme qu'il m'a manqué à moi. Je veux dire que pendant ces 2 mois où je me suis acharné à trouver ce m'importait, cette recherche m'importait extrêmement pour la raison suivante. Les 3 cercles du nœud borroméen ont ceci qui ne peut manquer d'être retenu, c'est qu'ils sont, à titre de cercle, 2-3 équivalents. Je veux dire qu'ils sont constitués de quelque chose qui pas par hasard que je supporte de l'imaginaire spécialement. C'est le résultat d'une certaine, disons, concentration. Que ce soit dans l'imaginaire que je mette le support de ce qui est la consistance. De même que ce soit le tronc, que je fasse l'essentiel de ce qu'il en est du symbolique, et que, en raison du fait que le réel, justement, la liberté de ce que l'imaginaire et le symbolique, c'est la définition même du nouveau roméen, soient libres l'un de l'autre, que je supporte ce que j'appelle l'existence spécialement du réel. En ce sens, car si c'est hors l'imaginaire et du symbolique, il cogne, il joue tout spécialement dans quelque chose qui est de l'ordre de la limitation. Les deux autres, à partir du moment où il est borroméennement noué, les deux autres lui résistent. C'est dire que le réel n'a d'existence, et c'est bien étonnant que je le formule ainsi, n'a d'existence qu'à rencontrer du symbolique et de l'imaginaire l'arrêt. Bien sûr, n'est-ce pas là un fait de simple hasard? Il faut en dire autant des deux autres. C'est entendre qu'il existe au réel que l'imaginaire rencontre aussi le heurte qui ici se sent mieux. Pourquoi dès lors mets-je cette existence précisément là où elle se semblait la plus paradoxale? C'est qu'il me faut bien répartir ces trois modes, et que c'est justement d'exister que se supporte la pensée du réel. Mais qu'en résulte-t-il? Si ce n'est qu'il nous faut ces trois termes, les concevoir comme se rejoignant l'un à l'autre, s'ils sont analogues, pour employer ce terme, est-ce qu'on ne peut pas supposer que ce soit une continuité, et c'est là ce qui nous mène tout droit à faire le nœud à trois, car il n'y a pas beaucoup d'efforts à commettre pour, de la façon dont il joindre les points de la mise à plat qui te feront continuité. Mais alors, qu'en résulte-t-il pour ce que cette chose qu'il faut bien appeler de l'ordre du sujet. Pour autant que le sujet n'est jamais que supposé, ce qui de l'ordre du sujet dans ce nœud à trois se trouve en somme supporté. Est-ce à dire que s'il ne se noue lui-même formellement au moins à trois, cela nous suffit? C'est justement sur ce point ma question portait. Dans une chaîne borroméenne, est-ce que il ne nous apparaît pas que le minimum par un nœud à trois, le début est à tirer avec la corde rouge sera en étant le sera manifestera la forme sensible d'une chaîne borroméenne. Il semble que le moins qu'on puisse attendre de cette chaîne borroméenne, c'est ce rapport de 1 à 3 autres. Et si nous supposons, comme nous en avons là la preuve, pensons effectivement qu'un nœud à 3, parce qu'il n'y a pas moins que se composeront borroméennement l'un avec l'autre, nous toucherons ceci que c'est toujours de trois supports que nous appellerons à l'occasion subjectif, c'est-à-dire personnel, qu'un quatrième prendra appui du mode sous lequel j'ai introduit ce quart élément, chacun supposait constituer quelque chose de personnel au quart élément, le quart global. Pas pour rien, c'est bien à quoi répondait mon titre de l'année dernière. C'est aussi bien les mêmes souris étonnées. J'y ai déjà fait allusion expressément dans ce mère, ont mis en valeur que s'il en est des nœuds, le nœud borroméen, à partir du moment où ils sont orientés et colorés, il y en a deux de nature différente. Qu'est-ce à dire? Dans la mise à plat, déjà, on veut le mettre en valeur. j'abrège, je vous indique seulement dans quel sens en faire l'épreuve. Je vous ai dit l'équivalent de ces trois cercles, de ces trois ronds. Il est remarquable que ce soit seulement parce que n'est pas entre eux soit marqué l'identité d'aucun, car l'identité, ça serait les marquer par la lettre initiale. Dire R, I et S, c'est déjà les intituler chacun. Chacun comme tel, du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Mais il est notable qu'il apparaisse que ce qui se distingue entre eux d'efficace dans l'orientation, ne soit pérable que de ce que soit par la couleur marquée, leur différence, non pas de l'un à l'autre, mais leur différence, si je puis dire, absolue, en ce qu'elle est, la différence commune aux trois, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui est un, mais qui, comme tel, marque la différence entre les trois, et non pas la différence à deux, qu'il apparaît en conséquence la distinction de deux structures, de deux Boromirs. Lequel est le vrai? Est le vrai au regard de ce qu'il en est, de la façon dont nous, l'imaginaire, le symbolique et le réel, dans ce qui supporte le sujet. Voilà la question qui mérite d'être interrogée, qu'on se reporte à mes précédentes allusions, à cette dualité Boroméen pour l'apprécier, car je n'ai plus aujourd'hui que l'évoquer un instant. Il y a quelque chose de remarquable, c'est que le nœud à trois, par contre, ne porte pas trace de cette dans le nœud à trois, c'est-à-dire dans le fait que nous mettons l'imaginaire, le symbolique et le réel en continuité, on ne s'étonnera pas que nous y voyons qu'il n'y a qu'un seul nœud à trois. J'espère que suffisamment qu'ils prennent des notes, car ceci est important. Important pour vous suggérer d'aller vérifier ce dont il s'agit, à savoir nommément du nœud à trois qui homogénéise le nœud Boroméen. N'a par contre qu'une espèce. Est-ce à dire acte soit vrai. Chacun sait que le nœud à trois, il y en a deux. Il y en a deux selon les dextrogyres ou les vogyres. C'est donc là un problème. Un problème que je vous pose. Quel est le lien entre ces deux espèces, le nœud boronéen et les deux espèces de nœud à trois? Quoi qu'il en soit, le nœud à trois est bien le support de toute espèce de sujet. Comment l'interroger de telle sorte que ce soit bien d'un sujet qu'il s'agit. Il fut un temps où j'avançais dans une certaine voie avant que je ne sois sur la voie de l'analyse, c'est celui de ma thèse, de la psychose paranoïaque dans ses rapports, disais-je, avec la personnalité. J'ai si longtemps résisté à la republication de ma thèse, c'est simplement pour ça. C'est que la psychose paranoïaque et la personnalité, comme telles, n'ont pas de rapport. Simplement pour ceci, c'est parce que c'est la même chose. En tant qu'un sujet, nous, à trois, l'imaginaire, le symbolique et le réel, n'est supporté que de leur continuité. L'imaginaire, le symbolique et le réel sont une seule et même consistance. Et c'est en cela que consiste la psychose paranoïaque. À bien entendre ce que j'énonce aujourd'hui, on pourrait en déduire qu'à trois paranoïaques pourraient être noués au titre de symptômes. Un quatrième terme situerait comme tel, comme personnalité, en tant qu'elle-même, elle serait au regard des trois personnalités précédentes, distinctes, et leurs symptômes. Est-ce à dire qu'elle serait paranoïaque elle aussi? Rien ne l'indique dans le cas qui est probable, qui est certain, où c'est d'un nombre indéfini de nœuds à trois qu'une chaîne boroméenne peut être constituée. N'empêche pas que, au regard de cette chaîne, dès lors, constitue une paranoïa commune, au regard de cette chaîne, la floculation possible de quart terme, cette tresse qui est la tresse subjective, la floculation possible terminale de quart terme me laisse la possibilité supposer que sur la totalité de la texture, il y a certains points élus de ce nœud à quatre, se trouve le terme. Et c'est bien en cela que consiste proprement parler le symptôme. Et le symptôme n'est pas un temps, mais personnalité, mais qu'au regard de trois autres, il se spécifie d'être symptôme et névrotique. C'est en cela qu'un aperçu vous est donné sur ce qu'il en est l'inconscient. C'est en tant que le symptôme, le spécifique, qu'il y a un terme qui s'y rattache spécialement. Au regard de ce qu'il en est du symptôme, un rapport privilégié, de même dans le nœud à trois joué borroméennement à quatre, de même là, mais bon, ça. C'est en tant que l'un des deux couples se distingue de ce nœud spécifique avec une autre couleur, pour reprendre le terme dont je me servais tout à l'heure. C'est en tant qu'il y a un lien du symptôme à quelque chose de particulier dans cet ensemble à quatre mots. C'est pour tout dire, pour autant, la première ne se pas de celui-là, pour autant, nous avons un couple du père. Que nous avons couple, et que c'est en tant que le symptôme se relie à l'inconscient et que l'imaginaire se lie au réel que nous avons affaire à quelque chose dont surgit le symptôme. Voilà les choses difficiles que je voulais pour vous énoncer aujourd'hui. Assurément, ceci mérite le complément. Le complément de la raison pourquoi j'ai en quelque sorte ouvert le nœud à trois. Pourquoi j'en ai donné la forme que vous voyez, ne pas celle qui se trouve dessinée de la façon que vous venez en bas, circulaire. Elle résulte de ce beau regard de ce champ. Déjà cette de grand abarre. Il s'agit de la jouissance. De la jouissance, non pas, mais au titre de ceci. J'ai énoncé qu'il n'y a pas d'autre de l'autre qu'au symbolique lieu de l'autre comme tel. Rien n'est opposé. Il n'y a pas de jouissance de l'autre en ceci qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est ce que veut dire cet abat. Il en résulte cette jouissance de l'autre. maintenant la raison. Mais je fais celle raison se distribue dans le champ, de mise à plat du cercle du symbolique. D'autre part, c'est le rapport symbolique avec le réel, en tant que de lui sort la jouissance dite du phallus, mais certes pas en elle-même. La jouissance comme telle peignait. Mais qui, si nous considérons ce qu'il advient au regard de l'imaginaire, c'est-à-dire de la jouissance du double, de l'image spéculaire, de la jouissance du corps en tant qu'imaginaire, même support d'un certain nombre de béances. De telles constituent proprement les différents objets qu'il occupe. Par contre, la jouissance dite phallique se situe là. Pour autant que chez le sujet qui se supporte par l'être, au sens que c'est là que je devine comme étant l'inconscient, il y a, et c'est dans ce champ que la jouissance faillit. Il y a le pouvoir, en somme, appelé, supporté, le pouvoir de conjoindre ce qu'il en est, d'une certaine jouissance du fait de cette parole elle-même, conjoint une jouissance éprouvée du fait du parler, comme une jouissance parasitaire, et qui est celle dite du phallus. Balance à ce qu'il en est du sens, c'est le lieu de ce qui par le parler est désigné en conscience comme pouvoir. Ce qui mine, pour conclure, sur quelque chose dont je vous ai proposé la lecture, c'est le fait que les trois ronds participent de l'imaginaire en tant que consistance, du symbolique en tant que trou, et du réel en tant qu'à eux existant. Les trois ronds donc s'imitent, mais d'autant plus difficile qu'il ne s'imite pas simplement, que du fait, il se compose dans un nœud triple, de mon souci. Après avoir fait la trouvaille que ce nœud triple se nouait à trois, m'en remet, non, que constater que s'ils se sont conservés libres entre eux, un nœud triple, jouant dans une pleine application de sa texture, existe, qui est bel et bien quatrième, qui s'appelle le Saint-Homme. Voilà.